Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro et une nouvelle saison qui démarre après 5 semaines de congé. Donc la 14e saison de l'Asile est ouverte. Et comme toujours, sur l'antenne du 94 MHz, également à partir de son blog asile35.blogspot.fr. Donc la rentrée en musique, comme on nous l'a demandé. Et on va attaquer avec un vieux groupe industriel américain qui répond au nom de Control the Bleeding, qui existe depuis à peu près 40 ans. Ils se sont constitués, je pense, vers 1978 du côté de Boston. Il y a eu pas mal d'incarnations de ce groupe, également une bonne trentaine de disques à ce jour. C'est un projet qui était un petit peu en sommeil depuis quelques années, depuis la disparition de deux de ses membres fondateurs à la fin des années 2000, mais le troisième, Paul Lemos, est toujours aussi actif et principalement avec pas mal de musiciens embarqués. C'est un projet aussi à géométrie variable et ils viennent de faire paraître un tout nouvel opus qui est en fait un remix de l'album précédent qui était sorti, je crois que c'était sorti aussi à l'été 2016 sur Artifact Records. Celui-ci s'intitule Carving Songs et on y retrouve un aéropage de musiciens américains, mais pas que, qui se sont entichés de l'idée de remixer la musique assez étonnante de Control the Bleeding, une sorte de mélange entre rock progressif et free rock un peu industriel. On y retrouve notamment sur cet opus Carving Songs, publié par la marque canadienne Artifact Records. Quantité de personnes assez singulières telles que Weasel Walter ou Ron Anderson de Pack, qui avait aussi collaboré dans les années 2000 aux côtés de Paul Lemos dans Control the Bleeding, également Justin Broderick, Reynaldo Anzeloff. On y retrouve aussi des gens assez singuliers tels que Jean-Jacques Birger d'Un Drame Musical Instantané et autres, Hélène Sage Sauvage, également Le Syndicat. Mais je propose d'attaquer avec un titre extrait de ce double LP, double CD Carving Songs, un remix de Alex Buess, musicien de Bâle, puisque j'ai passé une partie de cet été à côté de Bâle. Et donc Alex Buess, qui a fait partie notamment des combos 16-17 et aussi Sprawl, dans lequel officiait Peter Brotzmann, et qui fait notamment l'ensemble Phoenix de Basel. On écoute le titre Carving Songs, donc extrait de cet album qui s'intitule lui-même Carving Songs, par Control the Bleeding, remixé par Alex Buess. We'll be right back. mange pas. Il est adorable, avec ses taches noires, noir il regarde. Elle peut voler sans ailes et elle peut aller à toute allure. Elle peut voyager dans le temps. Le requin qui part en rentrant tous les matins, qui a faim, le requin. Qui a faim, le requin et un nain. Le requin et un nain. Le requin qui pend en rentrant tous les matins. Y'a les masses qui fument des clopes. Le dragon qui fait des pieds. Mais le dragon qui fait des pieds. À la sécheté en parfum. Y'a les masses. Voilà une belle manière de planter l'ordinateur. Voilà, donc juste pour vous faire la désannonce de ce qu'on entendait dans la première sélection de la rentrée de l'asile. C'est la rentrée, c'est un peu poussif, c'est normal. On a démarré avec Control de Bleeding et un extrait de The Carving Songs qui est une version remixée de leur précédent opus qui s'intitulait Larvalumps and Baby Bumps, sorti sur Artifact Records, double album avec quantité de personnes qui se sont collées au jeu de revisiter la musique des Américains qui sont maintenant basés à New York, qui sont une sorte de version moderne, de un peu hybride entre Chrome et les Residents, avec une côté peut-être un petit peu post-industriel psychédélique pour Control de Bleeding, qui était enchaîné avec l'atelier Rock et Animaux, publié par Le Vilain Chien, qui est un vinyle qui est sorti au début de l'été. L'atelier Rock et Animaux, animé par le Club des Chats, le fameux duo que vous avez peut-être eu l'occasion d'entendre d'ailleurs à l'occasion du dernier festival bonus à aider, qui depuis quelques années propose à des enfants de produire leur musique, enregistrer, produire un CD et également un badge avec un animal de leur choix, dans une composition originale, un atelier d'écriture, un atelier de dessin et surtout un atelier de musique. Et ça déménage sacrément la musique de l'atelier Rock et Animaux, donc une sélection de tout ce qu'ils ont pu enregistré ces dernières années en compagnie de ces charmantes têtes blondes qui sont très très punk. L'album est vraiment incroyable. Histoire de faire un petit clin d'œil pour la rentrée musicale chère à notre ami Jean-Mi, voilà. Donc avec l'atelier Rock et Animaux, s'il pouvait se mettre à jouer ce genre de musique dans les écoles de France et de Navarre, je pense que le monde ne s'en porterait pas plus mal. Voilà, on va continuer avec un groupe que je suis à la trace depuis leur premier enregistrement. Il s'agit du combo turco-libano-égypto et d'ailleurs Carcana, qui est la rencontre entre le mentor et leader de Construct, Umut Saglar, en compagnie compagnie de ses camarades libanais Marzen Kerbash, également Sharif Chenaoui, c'est-à-dire un peu tous ceux qui font les beaux jours des nouvelles musiques libanaises qu'on vous passe semaine et mois après mois dans les îles de Pussur, rejoint par Maurice Luca, excellent claviériste et électroacousticien d'origine kérote. Et Karkana avait sorti un disque il y a de ça 2 ans qu'on avait beaucoup aimé, le Live at Metro Al Madina. On avait eu l'occasion notamment de les entendre aux côtés de Oiseau Tempête sur le dernier double LP. Et un 45 tours était sorti aussi entre les deux, puisqu'ils viennent de sortir leur tout nouvel opus qui s'intitule For Sun Mata. Et pour cet album, ils sont rejoints par le percussionniste américain de Chicago, Michael Zerang, qu'on connaît pour quantité de projets aux côtés des musiciens du free jazz et aussi des musiques free rock depuis une bonne trentaine d'années, enfin 25 ans on va dire. Et Karkana donc s'est fendu d'un très très bel opus aux éditions italiennes Holidays Records, album qui sera suivi d'ailleurs cet automne par un live qui va sortir sur étiquette Unrock Records, le label allemand, je crois que c'est berlinois, Unrock Records, qui distribue également ce nouvel opus For Sun Mata que vous pouvez vous procurer en France grâce au bon soin du label Metamkin. On écoute la plage qui démarre cet excellent LP de Karkana avec 2K et 1A. Le titre s'intitule The Seven Sun. Thank you. À l'instant, dans l'asile le plus sûr, une séquence assez longue qui a démarré avec tout d'abord Carcana, l'excellent projet libano-turco-égyptano, je ne sais quoi, qui produit une musique qui mélange instruments du Moyen-Orient avec pas mal de free rock et de jazz free. On y retrouve Umut Saglar avec son hautbois, le zurna et puis pas mal de flûtes bambou, de percussions et autres électroniques, Mazen Kerbash aux trompettes et autres, Mizmar, Sam Chalabi, oud et guitare électrique, Sharif Chenaoui également à la guitare électrique, Maurice Luca est à l'orgue et aux différents claviers électroniques, Tony Edlich à la basse et Michael Zerang qui est le petit nouveau, même s'il n'est pas tout jeune l'animal, donc tout récent dans cette formation Carcana qui promet avec un autre LP qui va sortir cet automne, comme je vous disais, donc sur le label Unrock. Celui-ci a été publié à l'été dernier sur étiquette milanaise Holidays Records, très très bon label Holidays, qui a aussi publié la musique du combo Construct, propre groupe de Umut Saglar, qui lui s'est fendu très récemment d'une collaboration aux côtés de Alan Wilkinson, Alexander Hawkins et Daniel Spicer sous le titre de Lotus. C'est sorti sur le label suédois Omlot. On vous passera ça certainement dans une prochaine émission. Et bon, donc un très très beau vinyle en tirage 500 avec un insert très très coloré. Enfin, la pochette intérieure qui est assez magnifique de ce Forsun Mata. Alors, je ne sais pas du tout ce que ça veut dire, j'étais un peu feignant sur ce coup-là, j'ai pas fait de recherche. Le titre de ce nouvel opus de Carcana qui était enchaîné avec la musique du guitariste américano-finnois Raoul Björkenheim et son Triade, un nouveau projet aux côtés d'un bassiste très très bon, Vil Roala, et d'un batteur qu'il est tout autant, Ilmarie Eki Eimo. C'est sorti un peu avant l'été, au printemps, ce disque du Raoul Björkenheim Trio sous le titre Beyond, un CD donc sur étiquette finnoise Eclipse Music. Et Raoul Björkenheim, bon, on le fréquente depuis quelques années, notamment avec son projet Scorch Trio qu'il avait aux côtés de Ingebrigt Åkerflaten, également Pal Nissen Love, remplacé par Frank Rosali, excellent trio de free rock, et également avec un autre projet qu'il mène depuis quelques années, avec notamment un disque qui était sorti aux éditions Cuneiforme, son Quatuor Ecstasy, qui avait sorti un disque il y a de ça 3 ans et qui va récidiver à la fin du mois de septembre, toujours sur étiquette Cuneiforme Records. Donc on a entendu 2 titres à suivre de ce Triade, l'album Beyond. On va continuer avec l'excellente claviériste et aussi chuchoteuse Delphine Dora, qu'on suit depuis pas mal de temps, depuis 3-4 ans, mais ça fait une bonne dizaine d'années qu'elle produit des choses très très intéressantes. Miss Delphine Dora, pianiste et improvisatrice, qui est née à Paris en 1980. On avait commencé à écouter sa musique à l'occasion d'un disque solo sous le titre Près du cœur sauvage, qui était sorti sur Wild Silence, qui doit être sa propre marque. C'était il y a de ça 2 ans. Depuis, on l'a retrouvée aux côtés de pas mal de gens tels que Héloïse Decaze, chanteuse de la formation Halt, également aux côtés de Sophie Cooper, et puis sur d'autres disques également en soliste. Et on la retrouve en ce mois de septembre toujours sur étiquette Ukraina Records, avec lequel elle avait sorti le duo aux côtés de Héloïse Decaze, l'excellente marque de Bruxelles, pour un disque aux côtés du guitariste Mok, ou Moké de son vrai nom, Dominique Desprez, qui avait sorti sorti un excellent disque sur Objet Disque Saint-Omar. On vous avait passé ça aussi dans ce même programme. Et bon, toujours une sorte de musique nouvelle, un peu hybride, un peu atmosphérique, un peu inquiétante aussi par certains côtés. Une sorte d'inquiétante beauté pour ce disque de Delphine Dora et Moquet. Ça s'intitule Le corps défendant. Alors j'ai hésité entre pas mal de morceaux. Je me suis dit que le morceau introductif, liminaire, irait très bien. On écoute Les miroirs conversent en silence par Moquet et Delphine Dora. Nous sommes habitués au miroir, les miroirs. was trained as an architect. But he never built anything. Just a little tea house. Only this because he found large permanent buildings too vexing to design. Vous êtes toujours dans l'Asie le plus sûr avec la première séquence pop de la rentrée qui a démarré avec tout d'abord le duo entre Delphine Dora et Mock, M-O-C-K-E. L'album s'intitule Le Corps Défendant. Il est sorti sur l'excellent label de Bruxelles, Ukraina Records, qui s'est spécialisé dans les doubles 25 cm avec toujours des pochettes très très chatoyantes. Et donc un très bon disque, là c'était peut-être le morceau le plus, allez, le plus classique, le moins barré de ce disque entre Miss Dora et Mock. Et on a enchaîné avec la musique de l'Australien qui vit à Berlin, Tony Buck, batteur percussionniste de son état, notamment au sein de l'excellent trio The Nex, et ce depuis une bonne quinzaine, vingtaine même d'années. Et Tony Buck n'avait pas sorti à ce jour de disque solo, et cette injustice vient d'être réparée par son compatriote, ou plutôt ex-compatriote vu qu'il vit en Europe, Lawrence English, avec son label Room 40, qui vient de sortir cette pièce Unearth, excellent morceau de 50 et quelques minutes où les différents crotales et peaux et métaux de Tony Buck rencontre pas mal de field recordings aussi, comme l'extrait qu'on a entendu de cette pièce en continu, qui est vraiment très très incroyable, de Tony Buck, extrait de ce Unearth. Et on a terminé avec la musique de Sylvain Chauveau et un extrait de son nouvel opus qui vient tout juste de sortir sur la marque parisienne Brocoli. Ça s'intitule Post Everything, troisième et dernier volet d'une trilogie d'albums conçus comme des haïkus pop. Le premier s'intitulait Singular Forms en 2010, le suivant Cogate Today en 2013, et donc celui-ci qui mélange électronique et comme toujours la voix et les spoken words de Sylvain Chauveau dans un registre un peu post-David Krups également. Sylvain Chauveau qui pratique ce genre de musique depuis les disques qu'il avait sortis aux éditions des Disques du Soleil et de l'Acier et autres Noise Museum au début des années 2000. Précédemment, il avait fait partie du groupe Micromega ou autre Arca, puis pas mal de collaborations aussi, notamment aux côtés de Felicia Atkinson et autres Stéphane Mathieu. Voilà pour la musique de Sylvain Chauveau. Et je vous parlais de Tony Buck et de son combo The Next que j'ai eu la chance d'admirer et d'entendre l'été dernier lors du festival de Mulhouse Météo. Ils avaient joué donc dans cette bonne ville de Mulhouse le 23 août dernier. Une performance vraiment très très réussie et qui sera d'ailleurs diffusée, je crois, sur l'antenne de Radio France dans l'émission d'Anne Montaron à l'improviste. Je crois que c'est prévu pour la semaine prochaine. Et cette semaine, bah, c'est une autre musicienne qu'on va écouter tout de suite qui a fait vraiment sensation lors de cette édition du festival Météo aux côtés du guitariste Julien Després, qui était un peu le metteur en scène de ce projet BIC, dans lequel on le retrouvait aux côtés du bassiste Ingebrigt Åkerflaten, vraiment très très free et très très énervé, et du batteur d'origine danoise Matt Forsby, et le saxophone alto de Mette Rasmussen s'en donnait à cœur joie aux côtés de ces trois loustiques. Et ce concert va être diffusé cette semaine sur France Musique à partir de 23h ce jeudi 7 septembre jusqu'à minuit à peu près. Donc l'intégralité de ce concert du mercredi 23 août au Noumatrouf de Mulhouse dans le cadre du festival Météo. Et Mette Rasmussen, bon, on va la retrouver comme de juste avec son tout dernier opus aux côtés de la paire Tashi Dorji à la guitare, le fameux guitariste du Bhoutan qui vit en Caroline du Nord, et le batteur Tyler Damon. Tous les deux, ils avaient sorti un disque qui était vraiment incroyable aux éditions Family Vineyard l'an dernier sous le titre Both Will Escape. Et curieusement, bah, ils ont invité le sax hirsute de Mette Rasmussen à les rejoindre. L'album s'intitule To the Animal Kingdom et il est sorti sur étiquette Trotz Records. Je vous propose d'écouter une très longue pièce, celle qui démarre ce Animal Kingdom du trio Tashi Dorji, Tyler Damon et Mette Rasmussen. Thank you. C'est surprendre par un vinyle. Vous êtes toujours dans l'asile le plus sûr sur l'antenne du 94 MHz avec tout d'abord une pièce assez furieuse du trio Mette Rasmussen, Tashi Dorji, Tyler Damon. L'album s'intitule To the Animal Kingdom. Trois longs morceaux qui ont été enregistrés en studio d'ailleurs mi-2016. Excellent disque publié sous étiquette Trust Records, qui était enchaîné avec la musique de Monsieur Pauvros, Jean-François Pauvros, le guitariste émérite français de l'impro free, en compagnie de Gabi Bizien, des sessions qui avaient été enregistrées en 1976, qui était sortie à l'époque sous étiquette 1-2-3, le label dont s'occupait Monsieur Jeff Gilson, qui n'avait pas été réédité en vinyle à ce jour, uniquement en CD avec un disque aux éditions Spalax, ce qui nous avait donné d'ailleurs l'occasion de découvrir cette excellente production. Et ce No Man's Land vient tout juste de revoir le jour en réédition Souffle Continu Records, la marque dont s'occupent les gens de la boutique du même nom à Paris, qui réédite donc ce LP à l'identique avec un bonus bonus, un 3 titres, un vinyle une face sous le titre Pays Noir. J'ai failli enchaîner, c'est un peu pour ça d'ailleurs que je me suis raté dans mon enchaînement avec un titre extrait de ce Pays Noir qui est du même tonneau, donc des enregistrements de la même session de 1976 de ce duo assez étonnant pour la scène française qui n'était pas tellement coutumière de ce genre d'improvisation, plutôt à la Fred Frith, Chris Cutler et autres, Derek Bailey, Tony Oxley. Excellente pièce enregistrée donc il y a de ça une bonne trentaine d'années qui n'ont pas pris une ride, juste avant que Jean-François Pauvros commence la formation Catalogue. Et pourquoi je vous parle de Catalogue? Parce que le label Souffle Continue Records vient aussi de rééditer La Nuit est au courant de monsieur Jacques Bérocal, sur lequel on retrouvait aussi monsieur Tolo, voilà, donc qui officiait au tambour, et Jacques Tolo donc avec Jacques Bérocal dans Cette Nuit est au courant, qui était un CD qui était sorti au milieu des années 90, qui n'avait pas été réédité depuis, et donc qui sort en vinyle également aux éditions Souffle Continue Records. On va se terminer avec une très très longue pièce extraite d'un disque CD qui vient tout juste de sortir aux éditions Rogue Art, le label parisien qui sort quantité de disques de jazz contemporain, principalement des Américains, mais pas que, aussi des Européens et des Français. Et là, il s'agit de monsieur Larry Hoche, le saxophoniste qui joue au sein du Rova Saxophone Quartet Orchestra et toutes ses différentes incarnations depuis les années 70, et qui n'est pas à une facétie près, à l'image de ce projet dans lequel on le retrouve. Donc c'est le Larry Hoche Sax and Drumming Corps, avec lequel il a déjà enregistré 2-3 albums précédemment, et on le retrouve dans ce projet aux côtés du percussionniste William Winant. Enfin, il y a plusieurs percussionnistes batteurs, ils sont 3, Scott Amendola, Mathias Bossi, William Winant, et ils sont rejoints par les claviers et synthés de Satoko Fuji et le trompettiste Natsuki Tumara. L'album s'intitule Wild Red Yellow, il a été enregistré au début des années 2010, il vient tout juste de sortir donc aux éditions Rogue Art, et ça fera une très très belle conclusion à l'émission de cette semaine, avant de retrouver nos camarades de Zion Highway qui sont déjà prêts et qui piaffent d'impatience aussi pour cette rentrée. Je vous rappelle que l'émission L'Asile Obscur est réécoutable et podcastable à partir de son blog asile35.blogspot.fr. On écoute le Larry Hoche Sax and Drumming Corps et ce disque Wild Red Yellow, le titre Omenichi. Je vous souhaite une excellente nuit, une très très belle semaine. À bientôt. Oh,

Thank you. Thank you. evening fades in the day's last throes. A murmuration of starlings meets a murder of crows. Thank you. Ich werde gehen.